بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع أثارهم تفهم بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فنحمد الله عز وجل ومرسي الله سبحانه وتعالى ايان لولو de nous avoir accordé le fait de pouvoir reprendre l'étude de ce cours Hisn al-Mu'min qui est d'une importance énorme dans la vie du mu'min. فذكر الله عز وجل le rappel d'Allah سبحانه وتعالى فهو غذاء المؤمن غذاء قلبه. C'est la substance du mu'min par laquelle il nourrit et il alimente son cœur. كما جاء في الحديث مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الميت. Celui qui évoque Allah سبحانه وتعالى et celui qui ne l'évoque pas est semblable à celui qui vit et celui qui est mort. فحياة القلوب, la vie des cœurs, passe par le rappel d'Allah عز وجل. Et Allah عز وجل nous a créé afin que nous l'évoquons énormément. كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. Évoquer Allah subhanahu wa ta'ala énormément. Et on a pu voir qu'à des cas, dans le muqaddimah de ce cours-là, parmi les faveurs et les fada'il, les mérites qu'il y a dans le rappel, c'est que c'est un hisnun, c'est une citadelle, c'est une forteresse qui te permet de te protéger de l'adversité de shaitan. C'est ce genre de livre dans lequel il est évoqué le rappel d'Allah azza wa jal, ce sont des durus, des cours qui sont très importants dans notre quotidien. Fa remercie Allah Azza wa Jal wa nashkuruhu wa nahmaduhu jalla wa ala ala a'unihi ala al-muwasala, qui nous a permis de pouvoir reprendre l'étude de ce cours Hisn al-Mu'min de Cheikh Abdullah al-Iryani hafizahullah ta'ala. On s'était arrêté dans le dernier cours, ou plutôt on avait pris dans le dernier cours le 9e chapitre, inkaruhu salawatullahi wa salamu alayhi wa du'a'uhu ala man yunshid dallata fil masjid, que le prophète alayhi salatu wassalam il a légiféré d'invoquer sur la personne qui fait une déclaration de perte à voix haute dans les masajid, car ces lieux-là ne sont pas des lieux destinés pour cela. Ce sont des lieux dans lesquels on lit le Coran, dans lesquels on évoque Allah azza wa jal, dans lesquels les gens se retirent afin de d'évoquer Allah et Azza wa Jal. Ce sont pas des lieux qui sont légiférés pour cela. Et comme ces lieux-là sont sacrés auprès d'Allah et Azza wa Jal, wa Rasuluhu salawatullahi wa salamu alayhi, Allah Azza wa Jal, il a légiféré à travers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'invoquer sur la personne qui fait une déclaration de perte de voix et qu'on lui dise, la raddaha Allahu alayk, qu'Allah fasse que tu ne la retrouves pas. Et comme on a pu voir, ça c'est lorsque c'est fait à voix haute. Amma, si jamais c'est fort à voix basse, comme l'a évoqué Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, tu as perdu quelque chose, tu étais à côté de quelqu'un, et tu lui demandes, est-ce que tu as trouvé cette clé-là, est-ce que tu as trouvé ceci et cela, yani l'objet que tu as perdu, fait ça, ça rentre pas dedans. Car dans le hadith, cette personne-là, il a élevé la voix, de manière évidente. Ça nous montre, awlan, le degré et la valeur des masajid fil l'islam, et que ceci est interdit. Ceci est interdit car si jamais ça aurait été makoro, comme l'ont dit certains de ulama, Fashir al-Othamin dit, jamais Allah Azza wa Jal et son prophète alayhi salatu wassalam auraient légiféré qu'on fasse une dua contre une personne qui va faire une chose, yani qui est makoro. Donc ceci nous montre que ceci est haram. Au cas des cas, on a pu voir que ces lieux-là, il n'est pas légiféré de faire une vente. Et quand on parle de la vente, c'est-à-dire de l'accord. Certains pensent que la vente, c'est le fait d'échanger la marchandise contre l'argent. Non, la vente, c'est un accord. Yani, aqal al-bay', c'est l'accord. Je me mets d'accord avec toi sur une vente et j'accepte, yani, au prix auquel tu me vends. Enfin, ça, c'est une vente. Fahada la yajuz. Comme l'a évoqué Cheikh Al-Athim, rahimahullah ta'ala, quelqu'un qui a des voitures et il dit, voilà, j'ai une voiture. Et l'acheteur, il dit, ok, je suis d'accord. Enfin, ça, c'est une vente. Si elle est faite à la mosquée, fahada la yajuz. On a pu voir dans le hadith que ceci est interdit. Naha Nabi sallallahu alayhi wa sallam an al-bi' fi al-masajid. Naha Rasulullah an al-bi' fi al-masajid. Il a interdit de faire une vente, c'est-à-dire de se mettre d'accord sur une vente dans les massages. Mais c'est clair qu'il n'a pas ramené la voiture dans la mosquée. Et qu'il, le fait qu'il soit d'accord, ceci est une vente. On a pu voir que les ulama, ikhtalafou. Est-ce qu'il est légiféré de dire à une personne qui vend dans la mosquée, la arbah Allahu tijaratak, qu'Allah Azzawajal ne met pas du bénéfice dans ton commerce? Enfin, certains des ulama ont évoqué que ceci était légiféré. Comme c'est le cas de Sheikh Al-Albani, rahimahullahu ta'ala, ou kazalika, Sheikh Muqbal, ils ont évoqué que ceci est légiféré, car ils ont vu l'authenticité de ce hadith-là. La arbah Allahu tijaratak. On a pu voir que l'imam Ad-Darqutni, rahmatullahi alayh, il a évoqué que la version la arbah Allahu alayk ou la arbah Allahu tijaratak, c'est un tabi'i qui a dit le prophète a dit. Et le jugement du tabi'i qui a dit le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, c'est munqati', c'est mursal. Et ça fait partie des catégories des hadiths qui sont da'if, qui sont faibles. Ça, c'est le col qui est répondant, qui est rajih. Il n'est pas légiféré, wallahu a'lam, de dire la arbah Allahu tijaratak. Laquelle, malgré cela, ça ne veut pas dire qu'il est autorisé de vendre dans la mosquée. Le dernier chapitre qu'on a pu prendre, il concernait les choses qu'on doit dire lorsqu'on entend al-adhan. Fait, on répète ce que dit le mu'adhin, excepté lorsqu'il dit hayya ala salah, hayya ala falah. Lorsque le mu'adhin dit hayya ala salah, hayya ala falah, il est légiféré là de dire la hawla wa la quwwata illa billah, on va y arriver. Et ceci, on appelle cela al-hayya ala ta'an. Enfin, ça, c'est légiféré. De dire ce qu'a dit le mu'adhin, de répéter tout ce que dit le mu'adhin, excepté lorsqu'il dit hayya ala salah, hayya ala al-falah. Qala al-shaykh al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, dans l'explication de ce hadith, le volume 2, la page 628 de son charh de Al-Bukhari, il évoque hein, pourquoi il n'est pas légiféré de dire hayya ala salah. Pourquoi on ne répète pas cela? Il dit rahimahullah ta'ala, falam yakun min al-munasib أن تقول أنت أيضا حي على الصلاة حي على الفلاح. إذ يا رحمه الله تعالى qui n'est pas opportun de dire la même chose, c'est-à-dire حي على الصلاة وكذلك الفلاح, lorsque dit المؤذن. قال لأنك إذا ناديته أنت وهو ينادك حصل بذلك التهارد. Car il dit lorsque le مؤذن dit حي على الصلاة, c'est-à-dire أقبلوا أكوري على prière, حي على الفلاح, أكوري à la réussite. Donc si jamais le mu'adhin dit « Hayya ala salah » accourait à la réussite, à la salah, et toi aussi, kadalika, tu répètes, tu dis « Hayya ala salah », il dit « Hasala bidalika ta'arud », il y a une contradiction. Personne ne répond à l'appel de l'autre. « Qala, walakin idha qulta la hawla wa la quwwata illa billah, qala wa ka'anna lisan halika yataqul, ou yaqul, qad ajabtu. » Il dit « Lakin lorsque tu réponds à l'appel du mu'adhin, lorsqu'il dit hayya ala salah par la hawla wa la quwwata illa billah, c'est comme si jamais par la hawla wa la quwwata illa billah, tu disais je réponds. Accourir à la prière, c'est comme si tu disais je suis d'accord et j'y réponds. Walakin as'alallah al-aoun. Lakin je demande à Allah subhanahu wa ta'ala l'aide. C'est pour ça qu'on dit la hawla wa la quwwata illa billah. Comme on a pu voir, c'est une formulation qui laisse apparaître que le abd, il est impotent, il ne peut faire une chose que si Allah subhanahu wa ta'ala l'aide. Donc il ne peut accourir à la prière et kadhalika à la réussite que si Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la réussite et l'aide. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin. Fa lorsqu'il dit la hawla wa la quwwata billah, fa il adhère, il agrée cela, qu'il répond, lakin comme il est faible et il ne peut faire une chose en dehors de l'aide d'Allah azza wa jal, fa il dit la hawla wa la quwwata illa billah et ufawwidu al-amr ilayk. Je remets mon affaire entre les mains d'Allah azza wa jal afin que il me donne la réussite pour pouvoir répondre à l'appel du mu'adhin. Naam. Fa, il n'est pas légiféré de dire, lorsque dit le mu'adhin, hayya ala salah, la même chose. Naam. On a pu voir que le rétribut d'écouter attentivement le adhan et ensuite de le répéter, si jamais il le dit, il répète ces termes-là, kama jaa fi al-hadith, khalisan min qalbihi, sincèrement, dakhal al-jannah. Donc ça montre le rétribut qui est énorme. Ce sont des choses, il y a l'adhan et l'an, ça ne demande pas un effort considérable. Tu as juste à écouter, à méditer sur les paroles, et ensuite à répéter chaque terme que dit le mu'adhin. Quel est le retribut de cela? Dakhala al-jannah. Et ça, c'est le raya, c'est le but et l'objectif de chaque mu'min, de rentrer au jannah. Donc là, on a une wasila, on a un intermédiaire qui est simple. qui est super simple, qui ne demande pas d'effort. Excepté de répéter ce que dit le mu'adhin. En plus, on trouve à travers cela, comme on a pu l'évoquer, un taladzuz. Comme il savoure lorsqu'il répète ces termes-là qui sont énormes. La ilaha illallah, Muhammad al-Rasulullah, ila akhiri min al-alfaz, Allahu akbar ila akhiri. Fa yatamatta' bi dhalika, ça c'est du dhikr. Yatamatta' bi dhalika, naham, il s'épanouit à répéter ces termes-là. Et le rétribut en plus de cela, il y en a dans une chose dans laquelle il s'épanouit, c'est annahu yadkhul al-jannah. On avait pu évoquer comme nasiha à la fin du dernier cours que ceci nous incite, et la siyam notamment dans les pays dans lesquels on n'entend pas al-adhan, de se présenter au masajid afin de pouvoir entendre le adhan. Car yani, dans ces pays-là, on n'entend pas al-adhan, excepté si jamais tu te rends à la mosquée. Faï, le mu'min il doit faire les efforts, surtout dans ces pays-là, il doit redoubler d'efforts. Car si jamais il ne va pas lui-même se présenter au rappel, ce n'est pas le rappel qui va venir vers lui. C'est un pays qui est assujetti pour que le mu'min il oublie Allah Azza wa Jal. Tout est mis en place afin que le mu'min il oublie Allah subhanahu wa ta'ala. Faï, si jamais il ne redouble pas d'efforts, à faire c'est se présenter مثلاً, à la prière au aqsa de la mosquée afin d'attendre le adhan pour répéter ce qui dit le muadhin pour le rétribuer qu'elle jannah, fa yani ça peut être une cause yani parce que son cœur est meilleur car il n'y a pas de rappel, il y a très peu de cours, le adhan n'entend pas, fa il faut prendre les intermédiaires qui nous permettent d'être mustaqim. Fidinillahi azza wa jalla, parmi cela, c'est un effort qui est simple. C'est une chose qui est simple. Et du fait qu'elle est simple, Ash-Shaytan, il vient et yasuddu an dhalik. Il essaye de être un rempart entre le mu'min et le fait de répéter ces termes-là qui sont simples. Simples à répéter et dans lesquels on s'épanouit à les répéter. Enfin, tu vas le voir, certaines personnes, lorsque c'est al-adhan, donc qui sont là, Allah Azza wa Jalla leur a donné la faveur de pouvoir entendre al-adhan, lakin, mashghoul, soit par le téléphone, soit par une personne qui va l'appeler, soit par une personne qui va venir, qui va discuter avec lui. Il faut, à ce moment-là, couper tout lien qui est en dehors du rappel. Parce que là, on est en train de répéter, là, on est dans le zikr. Et le zikr, comme on a pu voir, « Wala zikrullahi akbar ». Il n'y a pas une chose qui est plus grande que le zikr. Enfin, lorsque c'est le moment de al-adhan, il faut qu'on se rappelle que là, on va répéter une chose qui est énorme. Et il n'y a pas de chose qui est plus énorme à ce moment-là. Donc, on coupe court à toutes les autres choses et activités. حَتَّ لَوْ كَانَ فِي طَلَبَ الْهِلْ حَتَّ لَوْ كَانَ فِي تَدْرِيسِ, même si jamais il est en train d'enseigner. Car si jamais il continue dans le fait d'enseigner, il va louper l'adhan. Et il ne peut plus revenir sur cela. Amman, si il entend l'adhan, il marque une pause. Et ensuite, il revient sur son cours, il peut revenir dessus, c'est pas un problème. فَشَيْطَانِ يَعَدِّلْ بِالْإِنسَانِ. Il le précipite dans les choses qui, dans les mauvais choix. Il le précipite à prendre les mauvais choix. Et parmi ces mauvais choix-là, le fait de se préoccuper d'une chose autre que le fait de répéter al-adhan. Et ça, on le retrouve, c'est malhouz, jiddan. Une personne qui va venir, min tarik al-khair, il va te demander une question, fid din ilah azad. Lakin, c'est pas le moment. Faut lui dire, attends, inshallah, on répète ensemble, ce qui dit le mu'adhin, et ensuite, je réponds, inshallah, à ta question, si Allah Azza wa Jal le permet. Enfin, il faut faire attention. Si jamais on est préoccupé par le fait de rentrer au Jannah, on va faire attention lorsque on entend l'adhan à ce qu'on ne soit pas préoccupé par autre chose que le fait de répéter les termes légiférés en ce moment-là. Enfin, ça, c'est un tazkir qui est muhim jiddan. Un tazkir qui est muhim jiddan. Et il est bon de se le rappeler. Avant de rentrer dans l'autre hadith, il y a des masa'il, il y a des sujets qui sont bons d'être évoqués. Ma hukm tardad, quel est le jugement du fait de répéter les termes qui sont évoqués dans al-adhan? Ikhtalaf al-ulama fi dhalika ala qawlayn. Les ulama ont divergé sur le jugement du fait de répéter ce que dit le mu'adhin lorsqu'il fait al-adhan. Les ahnaf et kadhalika al-dhahiriya, ils ont dit que ceci est une obligation. Parce que le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, « إِذَا سَمِّعْتُمُ الْمُؤَذِّنِ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ » Lorsque vous entendez le mu'adhin faire le adhan, « فَقُولُوا أَيْدِتْ » et répétez ce que dit le mu'adhin. « فَقُولُوا هَهُنَا » c'est un fi'l amr. C'est un verbe à l'impératif. Et le fi'l amr, « الْأَصْلُ فِيهَا أَنَّهُ يَدُولَ عَلَى الْوُجُوبِ » Tout verbe impératif dans l'islam, la base de ces verbes impératifs, c'est que c'est l'obligation. Excepté si jamais on a un indice qui nous prouve que En fait, cette obligation-là est une recommandation. Le dalil de cela, la parole d'Allah Azza wa Jal, نعم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Que prennent garde ceux qui contredisent les ordres du prophète عليه الصلاة والسلام. Si jamais c'est le cas, on craint pour ces personnes-là, comme de manière approximative dans la traduction, qu'ils seront touchés par une fitna ou bien par un châtiment qui sera avalissant. Donc les ulama, ils ont dit le fait que la personne contredit un amr, une obligation, un impératif que le prophète a enjoint, quel est le rétribué de cela? Soit il sera touché par une fitna, ils ont dit les ulama, c'est le fait que le cœur dévie, ou al-hiyadhu billahi azza wa jal, ou bien que Allah Azza wa Jal le châtie d'un châtiment qui est avélissant. Donc ils ont dit, le fait qu'on ne répond pas à l'obligation, à l'impératif, ça nous montre qu'on sera châtié. Donc si jamais on est châtié, ça montre que ce manquement-là était une obligation. Lakin, on a un dalil, on a un indice qui montre que ceci n'est pas une obligation. Ceci n'est pas une obligation. Lakin, lorsqu'on dit ceci n'est pas une obligation, ça ne veut pas dire que c'est qu'il faut le délaisser. À notre époque, subhanallah, yani inqalab al-umur. Lorsque tu dis à quelqu'un que ceci est une sunnah, il comprend que tu peux le délaisser. Comme si jamais la sunnah a été légiférée pour que tu la délaisses. Non, la sunnah a été légiférée afin que ceux qui n'ont pas besoin d'attendre qu'Allah Azza wa Jal ordonne une chose puissent l'adorer. Parce que certains, si jamais il n'y a pas d'acte surrogatoire, ils vont se contenter seulement de l'obligation. Lakin, celui qui désire véritablement la rencontre d'Allah Azza wa Jal, tu vas le voir, muqbil. Tu vas le voir évertué dans le fait d'être appliqué, kadhalika, dans le mustahabbat. Pourquoi? Parce qu'il veut rencontrer Allah Azza wa Jal de la meilleure des manières. Fal mustahab, il a été légiféré, kadhalika, pour le mettre en application. Bal al mustahab, pour celui qui aura des manquements dans les obligations, et personne n'est garanti de mourir avec des manquements dans les obligations, et bien ce mustahab-là, dont beaucoup de personnes pensent que c'est une chose qu'on peut délaisser. Ah, c'est sunnah, c'est pas obligatoire, je peux délaisser. Les gens, ils pensent souvent de cette manière-là lorsque sunnah est évoqué. Enfin, le mustahab, il va venir combler les manquements. Comme il est venu dans le hadith de Abi Huraira, radiallahu anhu, dans le sunan, Tirmidhi et autres, que le prophète, alayhi sallallahu alayhi sallam, il a dit, « Awwala ma yuhasab bihi al-abd yawm al-qiyama min amalihi as-salah. » La première des choses sur laquelle on va être amené à rendre compte, on sera jugé parmi les œuvres, c'est la prière. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن صلح فقد أفلح ونجح. Si jamais cette prière-là était conforme au suivi du prophète صلى الله عليه وسلم et كذلك avec sincérité pour Allah عز وجل, cette personne-là aura certes réussi. قال وإن لم يكن كذلك, ici c'est pas le cas, فقد خاب وخسر. Il a certes perdu. ثم يقول الرب عز وجل, ensuite Allah عز وجل dira pour ces personnes-là qui ont des manquements, انظروا هل لعبدي من تطوع فأجبر ما انتقص من الفرائض. Regardez, est-ce que mon serviteur avait des actes surérogatoires qui vont combler les manquements qu'il a eu dans les obligations? Donc ça nous montre l'importance de quoi? De le mustahab. Un, ça montre que tu as de désir de rencontrer Allah Azza wa Jal et que tu n'attends pas l'obligation pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que tu aimes te rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Deuxièmement, si jamais il meurt avec des manquements, fait ces manquements-là, ils seront comblés inshallah tabaraka wa ta'ala par al-mustahabbat. Donc ça nous montre l'importance de mustahab, et encore le hadith dans lequel il dit wa la yazalu al-'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Et mon serviteur ne cessera de se rapprocher de moi auprès de moi par les actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aimerai. Qala wa idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi. Et si je l'aime, je serai son ouïe. Je serai sa vue, je serai sa main, je serai ses pieds. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal va être avec lui dans toutes les choses dont il va entreprendre. Lorsqu'il regardera, ça sera dans l'agrément d'Allah. Lorsqu'il se dirigera, ça sera dans l'agrément d'Allah. Lorsqu'il parlera, ça sera dans l'agrément d'Allah et Azza wa Jal. Enfin, celui qui est assidu au mustahabbat, Allah Azza wa Jal, yaktub fihi, il va lui réserver son amour. Et quel est quel rétribut plus grand que celui-là? Qu'Allah Azza wa Jal t'aime. C'est la raya. On adore Allah Azza wa Jal afin qu'il nous agrée. Enfin, le mustahabbat, c'est un sabil, un intermédiaire très grand qui te permet d'avoir l'amour d'Allah Azza wa Jal. Enfin, le mustahab, il n'a pas été légiféré pour dire, ah, c'est mustahab, ok, donc, c'est pas obligatoire, donc il y a pas de mal à les laisser. Ça, c'est une personne qui n'a rien compris au mustahab, malheureusement. Enfin, le jugement du fait de répéter l'adhan, c'est mustahab. Lakin, comme on a pu voir, c'est quoi le rétribut? Dakhala al-jannah, c'est le dit avec sincérité. Donc c'est fortement recommandé de répéter ce qu'a dit le mu'adhdhib. Lakin, si jamais il s'est fait avoir par Shaitan et il a été occupé par une autre chose, ou bien des fois, ça arrive que voilà, il y a un événement qui fait que voilà, il a un peu étourdi. Enfin, il n'aura pas un péché. Est-ce que on doit faire tawbah, c'est ça. On s'est fait de ce jugement-là pour savoir est-ce qu'on doit faire tawbah lorsqu'on est étourdi, qu'on répète pas al-adhan. Al-sahih, c'est que c'est mustahab. Quel est le dalil de dalika? Parce qu'il faut une chose qui nous permette de nous montrer que c'est mustahab. Parce que là, il a dit, faqulu mithla ma yaqul. Dites, et ça c'est un impératif, c'est un ordre. Le hadith qui nous montre cela, le hadith rapporté par l'imam muslim, rahimahullahu ta'ala, le numéro 382, dans lequel le Nabi sallam, il a entendu un mu'adhdhin, sami'a an-Nabi sallam mu'adhdhinan, il a entendu un mu'adhdhin faire l'adhan. Falamma kabbara al-mu'adhdhin, lorsque le mu'adhdhin l'a dit, Allahu akbar, Allahu akbar, qala 'ala al-fitra. Fa Nabi sallam, il a pas dit Allahu akbar. Il a dit cette personne-là est sur la nature innée, sur la fitra. Falamma tashahhada, lorsqu'il a dit ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, fa qala kharaja min an-nar. Cette personne-là est sortie de l'enfer. Fait, il a pas répété, il a pas dit ashhadu an la ilaha illallah, lorsqu'il a entendu le mu'adhdhin le dire. Fait, les ulama, ils ont dit, ça nous prouve que c'est pas une obligation. Car le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas répété les termes, plutôt à ce moment-là, ce qu'a dit le mu'adhdhin. Ce qu'a dit le mu'adhdhin. Lakin, il était attentif, na'am. Enfin, ça, c'est l'avis qui paraît le plus juste, c'est que c'est mustahab. Lakin, c'est fortement recommandé. Man qala zalika khalisan min qalbihi dakhala al-janna. Yakfi fi dhalik. كذلك من المسائل التي ذكر العلماء هل نردد في الإقامة الأذان بحديث ابن سعسلا لكن lorsque le مؤذن ou plutôt le مقيم parce qu'il y a le مؤذن et celui qui fait l'أذان on appelle le مؤذن et celui qui fait l'إقامة on appelle le مقيم. Est-ce que lorsque le مقيم يقيم الصلاة est-ce qu'on doit répéter aussi كذلك يعني ce qu'il dit? Certains parmi les Al-Shafi'iyya et d'autres Al-Hanabila, certains parmi les ulama, ils ont dit qu'Adalika, on répète. Tu répètes ce que dit le Mu'adhdhin et tu répètes ce que dit Al-Muqim. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, dans certains des hadiths, le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, a qualifié Al-Iqama comme Adhan. Faqala bayna kull adhanayn salah. Entre chaque deux appels, il y a la prière. C'est-à-dire entre Al-Adhan wa Al-Iqama. Il y a une prière. Fait, il a appelé l'Iqama Adhan. Donc, ils ont dit le fait que le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il a qualifié l'Iqama comme Adhan. Dans ce cas-là, na'am, on répète aussi lorsque le muqim, il fait l'Iqama. Et ça, c'est la parole aussi parmi les ulama de notre époque, de l'imam Ibn Baz, rahmatullahi alayhi. Le deuxième qawl, ils ont dit, pareil, ils répètent, qu'il est légiféré kadhalika de répéter l'Iqama, lakin lorsque le muqim dit qad qamati as-salah, il répète pas qad qamati as-salah, il répète aqamaha Allah wa adamaha, yani Allah azza wa jalla, que Allah azza wa jalla fasse perdurer yani la prière. C'est-à-dire, ils ont pris pour cela le hadith rapporté par l'imam Abi Daoud rahmatullahi alayhi, numéro 528, min hadith Abi Umama. Lakin, dans la chaîne de transmission, il y a un rapporteur qui est majhoul, qui n'est pas connu. Le hadith est dans les termes que lorsque le muqim dit qad qamat as-salah, fa al-muslimun yaqulun aqamaha Allah wa adamaha, lakin ça c'est un hadith qui est daif. Donc du fait que ce hadith là il est daif, leur avis kadhalika il devient daif. Na'am. Le troisième avis est que on ne répète pas ce que dit le muqim. Innama on répète ce que dit le mu'adhdhin. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, idha sami'tumul al-mu'adhdhin. Lorsque vous entendez le mu'adhdhin, yani faire le adhan. Répétez. Tam faqala shaykh al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, kadhalika dans l'explication de ce hadith-là. Dans Sahih al-Bukhari, ou plutôt son charh de Sahih al-Bukhari, le volume 2, la page 627, qala rahimahullah, qala wa innama qala, salawatullahi wa sallam alayhi al-mu'adhdhin. Il a dit, lorsque le mu'adhdhin dit, قال لانه لا يتابع الا المؤذن, parce que on ne suit que le muadhdhin, on répète ce que dit seulement le muadhdhin. قال واما المقيم, quant à celui qui fait l'iqama, قال فالحديث الوارد فيه في صحته نظر. Il dit, quant au hadith qui est venu dans ces termes-là, bon, il est dit qu'il faut répéter ce que dit le muqim, c'est un hadith qui n'est pas authentique. Comme on a pu le voir, il y a un rapporteur qui est majhoul. Hatta Sheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, il a rendu faible ce hadith-là. Enfin, c'est un hadith qui n'est pas authentique. Fa as-sahih fi al-mas'ala wallahu a'lam, c'est que il n'est pas légiféré de répéter ce que dit le muqim. Parce que le hadith est venu dans les termes, il a qu'à al-mu'adhdhin. Il a qu'à al-mu'adhdhin. Nakin, fi al-haqiqa, il y a ceux qui ont dit qu'il est légiféré de répéter. Le umum du hadith, bayna kull adhaini salah, c'est un hadith, yani la bas bihi, yani dans cette mas'ala-là. Lakin, wallahu a'lam, l'avis qui paraît le plus proche de la vérité est ce, le troisième avis. Qu'on ne répète que ce que dit le mu'adhdhin faqat. Pas le muqim. Tam. Kadhalika min al-masa'il, إذا تعدد الأذان، ça c'est arrive surtout dans les pays musulmans dans lesquels il y a نعم les mosquées sont collées les uns les autres. On peut retrouver dans une même dans un même quartier 3 ou 4 ou 5 même mosquées. Enfin chaque mosquée va chaque masjid va faire l'adhan. Chaque masjid va faire l'adhan. Et dans certains buldan comme c'est le cas de Djibouti, ils laissent souvent entre l'adhan et l'iqama 20 minutes. C'est-à-dire que il peut entendre yani plusieurs adhans, et certains, ils ont des microphones qui sont, yani, qui sont puissants, qui te permettent de l'entendre, même si jamais il a un kilomètre, ceci et cela. Fa, al-an, il a dit, Nabi sallam, idha sami'tum al-nida, idha sami'tum al-mu'adhdhin, fa qulu mithla ma yaqul. Tam, si j'entends la mosquée, si j'entends le adhan de ma mosquée, ensuite j'entends le adhan, je répète ce qu'il a dit, alhamdulillah, et ensuite j'entends l'adhan de la mosquée qui est dans le quartier juste à côté. Est-ce que je dois répéter encore une fois ou pas? Ou bien je me suffis d'avoir répété le adhan qui a été fait par le mu'adhdhin de ma mosquée? Qal al-Sheikh al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala, toujours dans son explication de Sahih al-Bukhari, le volume 2, la page 628. Qal al-Wadhahir qalihi, idha sami'tum al-nida annahu yashbal al-nida al-masmu' walau ta'addada. Il dit rahimahullah ta'ala que la globalité du terme qu'a évoqué le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, idha sami'tum al-nida, lorsque vous entendez l'appel à la prière, il dit, hada yishmal al-nida al-masmu'. Ceci englobe tous les adhan que la personne va entendre. Walau ta'addada, même si jamais, il a été fait plusieurs fois. Qala wa hakada qala al-fuqaha. Et ça, c'est la parole des fuqaha, comme Sheikh al-Islam, rahimahullah ta'ala. Qala innahu yujib al-mu'adhdhin, thaniyan, thalithan, rabihan. Il répète le adhan, même si jamais, c'est le deuxième adhan, c'est le troisième adhan qu'il a entendu, ou bien le quatrième adhan. Pourquoi? Parce qu'à la fin, c'est quoi? C'est quoi le rétribut? Dakhal al-jannah. Il y en a certains vont dire, oui, mais j'ai déjà répété ce qu'a dit le mu'adhdhin de mon quartier. J'ai pas répété ce qu'a dit le mu'adhdhin du deuxième quartier. Fa'al-an, yani, c'est quoi le rétribut de celui qui répète? Dakhal al-jannah, anta t'a été créé pourquoi? Pour adorer Allah, ya Azzawajal, pour que tu donnes le rétribut du jannah. Enfin, c'est comme si on disait, on veut pas le Jannah, subhanallah, yani, ou bien, on se suffit de cet effort-là. Non, il faut qu'on fasse énormément d'efforts, on sait pas comment on va mourir. Fait, on entend une fois, deux fois, trois fois, mille fois, on répète. Eshfi, c'est adhan, c'est du dhikr. Allah Azza wa Jalla nous a créé, nous a ordonné, recommandé de faire du dhikr énormément. Donc, si jamais on entend plusieurs fois adhan, bah, alhamdulillah, ça c'est la cause pour laquelle Allah Azza wa Jalla a légiféré le dhikr. De le faire énormément. Ya ayyuha alladhina amanu dhkuru Allaha dhikran kathiran. Donc, il n'y a pas de mal. Au contraire. Il n'y a que du bien, un rétribut qui est énorme. Dakhala al-jannah. Donc, tu auras deux fois plus de probabilité, ou trois fois, quatre fois, cinq fois, par rapport aux fois que tu as répété l'adhan, de rentrer au jannah. Toutes les fois où tu répètes, c'est une opportunité que tu saisis pour rentrer au jannah. Fa, le qu'on de dire, j'ai déjà répété, fa fil haqiqa, celui qui réfléchit sur ce qu'il dit, il va voir que, fil haqiqa, c'est un col qui est, fil nazar. C'est bizarre de dire cela. Certains ont dit, si jamais il a déjà fait la prière, et que certains des massages, ils ont retardé l'adhan, et il a déjà prié, ils disent que la personne qui a déjà prié, il ne répète pas l'adhan. Pourquoi? Parce que, il a répondu à l'appel, hayya ala salah. Enfin, il a accouru à la prière. Donc, ils disent que, si jamais il entend al-mu'adhdhin, celui qui a retardé l'adhan, et il dit hayya ala salah, enfin, lui, fil haqiqa, il a déjà répondu à cet appel-là. Enfin, ils ont dit, dans ce cas-là, si jamais il a accompli la prière, il n'a pas à répéter. C'est un ta'lil qui est jayid, fil haqiqa. Si jamais on regarde, il y a ni les termes de l'adhan, accourir à la prière, j'ai déjà prié. لكن الشيخ العثيمين دي لكن ظاهر الحديث العموم لكن la globalité la généralité des termes qui sont qu'ils ont été employés dans le hadith نعم évoque que même si jamais il a prié il y a pas de mal en cela qu'il répète encore al-adhan قال فإن كنت قد أديتها أي الصلاة فإن الحديث لم يقيد le hadith il n'a pas dans le hadith il n'a pas été dit فإذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما قال المؤذن إلا إذا قد أديتم الصلاة le prophète il n'a pas dit lorsque vous entendez le muadhin répétez ce que dit le muadhin excepté si jamais vous avez accompli la prière enfin il n'a pas restreint cela par le fait de accomplir la prière donc والله أعلم la parole qui paraît la plus juste c'est celle qu'a dit le même العثيمين رحمه الله تعالى حتى لو صليت si jamais tu as accompli la prière et que tu entends une mosquée qui a retardé al-adhan fa tu répètes aussi tout cela ça fait partie du dhikr نعم كذلك من المسائل ان si jamais il dit al-adhan dans l'adhan surtout dans le fajr il est légiféré de dire as-salatu khayr min an-nawm il est légiféré de dire as-salatu khayr min an-nawm dans l'adhan du fajr اختلفوا العلماء est-ce qu'on dit dans le premier adhan ou bien dans le deuxième adhan khilaf bayna al-ulama c'est pas le sujet الآن si jamais tu entends le muadhin dire الصلاة خير من النوم qu'est-ce que doit dire le muslim est-ce qu'il doit répéter الصلاة خير من النوم ou bien il doit dire لا حول ولا قوة إلا بالله اختلف العلماء في ذلك فcertains ils ont dit tu répètes ce qu'a dit le muadhin conformément à la parole du prophète عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول Lorsque vous entendez le muadhin faire l'appel à la prière, répétez ce qu'a dit le muadhin, excepté lorsqu'il dit hayya ala salah hayya ala al-falah, fait on dit la hawla wa la quwwata illa billah. Pourquoi? Parce que il y a un hadith qui est venu qui a restreint cela. Lakin il n'y a rien qui restreint le fait de dire la hawla wa la quwwata illa billah lorsque le muadhin dit as-salatu khayrun min an-nawm. Fa as-sahih c'est que lorsque le muadhin dit as-salatu khayrun min an-nawm, on répète كذلك on dit as-salatu khayrun min an-nawm. Hada huwa al-qawl as-sahih. نعم comme l'a évoqué الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى toujours dans l'explication de صحيح البخاري le volume 2 la page 629 تم كذلك الالفاظ العارضه في الاذان الالفاظ يعني qui sont dites يعني par une cause par un événement comme مثلا lorsque en temps de pluie il est légiféré que le muadhin dit sallu fi buyutikum lorsque il y a de la pluie il dit sallu fi buyutikum fa est-ce que lorsque on entend le muadhin dire sallu fi buyutikum priez dans vos demeures on répète كذلك et on dit sallu fi buyutikum les ulama ils ont dit ça fait partie des alfaz qui sont arida fil adhan qui sont ajoutés pour un événement pour une situation qui est spécifique enfin ils ont exclu cela de des termes à répéter dans l'adhan ils ont dit lorsque le muadhin dit sallu fi buyutikum on répète pas parce que ce sont des termes qui font pas partie fil haqiqa de al-adhan yani ce sont des termes qui sont ajoutés dans l'azan pour une exception, une situation bien spécifique. Ça, c'est un qawl kadhalika qui est jayid, parce que fil haqiqa, c'est pas des termes qui sont habituels à l'azan, lakin qui sont des cas d'exception. Donc, ils disent que dans ce cas d'exception-là, on ne répète pas, si jamais il dit, sallu fi buyutikum. Et certains ont dit, la généralité englobe yani kadhalika ces termes-là. Fa'idha sami'tumul mu'adhdhin faqulu mithla ma yaqulu. Donc certains ils disent que tu répètes hatta lorsqu'il dit sallu fi buyutikum tu répètes aussi et tu dis sallu fi buyutikum fa fi al-haqiqa celui qui a pris le hadith il a pris la globalité il a pris une globalité yani on ne pourra pas dire qu'il s'est trompé parce que le prophète il dit lorsque vous entendez le muadhin dire une chose plutôt dire l'adhan fa qulu mithla ma yaqul dites ce que il dit Il n'a pas dit excepté si jamais on s'entend depuis. فَالَذِي يَظْهَرُ وَاللَّهُ عَلَمْ C'est qu'il répète. كَذَلِكَ فَالَقَالَ الْمُؤَذِّنُ صَلُّ فَبِيَوْتِكُمْ Ça fait partie des choses que le muadhin il a dit. Et il a dit le prophète عليه الصلاة والسلام فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ Dites et répétez ce que dit le muadhin. Donc كَذَلِكَ là c'est une globalité. Il n'a pas, ça n'a pas été restreint. Ça c'est la parole qui paraît là, la plus juste. نعم. La dernière mas'ala, inshallah, tabarak wa ta'ala. Le fait de dire, comme c'est devenu maintenant l'emblème des Shia, Hayya ala khayr al-amal. Si jamais tu entends le muadhin, et si tu entends cette personne-là, c'est soit un jahil ou bien c'est soit un shi'i. Hatta yani, les Shia, ils ajoutent, dans Al-Azan, ils disent, Wa ashhadu anna Ali, c'était quoi déjà? Waliyullah, si je me rappelle bien. Wa ashhadu anna Ali, Waliyullah. Yani, un Azan qui se finit pas. Donc Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ensuite il dit Ashhadu anna Ali waliyallah deux fois. Ensuite il dit Hayya ala salah. Ensuite il dit Hayya ala al-falah. Ensuite il dit Hayya ala khayr al-amal. Fa sa'adhan ki tawil jiddan la yantahi. Fait lorsqu'ils disent, ou plutôt lorsqu'on entend ce genre de choses-là, Hayya ala khayr al-amal, si jamais on est éprouvé par un masjid, le masjid du quartier, c'est un masjid qui est, dans lequel il y a des shi'a. Il n'y a pas de raf, il n'y a pas des, il y a des shi'a qui sont mubtadi'a, qui sont pas kafir billahi azza wa jal. Ma'ruf, il y a du ouz à salah, il y a khalf al-mubtadi'a, si jamais tu n'as pas d'autre choix que de prier derrière, le mubtadi'a. Fait si jamais tu es dans un coin dans lequel il y a des shi'a, et que le mu'adhin dit, Hayya ala khayr al-amal, famadha taqul? L'imam, Muqbil rahimahullah ta'ala, Cheikh Muqbil, يعني en ironie de cela, il dit lorsque tu entends le mu'adhin shi'i, ou bien celui qui est jahil, qui répète ce que disent les shi'a, Hayya ala khayr al-amal, tu répètes et tu dis Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Ils ont dit mais pourquoi on doit dire Inna lillah wa inna ilayhi raji'un? Parce qu'il a dit ceci est une musiba, ceci est une calamité, le fait de rajouter Hayya ala khayr al-amal, ceci est un péché, est une bid'a. Et la bid'a, c'est une calamité. Et il dit, Allah Azza wa Jalla, il l'a dit, lorsqu'on est touché par une calamité, on doit dire quoi? Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Et en ironie de cela. C'est min al-bid'a wa al-muhdathat. Lorsqu'on entend le mu'adhin al-shi'i dire, Hayya ala khayr al-amal, on répète pas. On répète pas. On répète rien du tout. Bal tastaghfir Allah Azza wa Jalla. N'aam. Il n'est pas légiféré de répéter Hayya ala khayr al-amal, ou kadalika lorsque il est dit, Ashhadu anna Ali wali Allah, d'autres parmi les choses qui sont ajoutées dans l'azan de Mubtadi'a parmi les Shia. Enfin, on répète rien du tout. Et on essaye de trouver une mosquée dans laquelle l'azan est fait de manière sunniya, na'am. On va se contenter de cela. Inch'Allah, tabarak wa ta'ala. Le prochain cours, ce sera le vendredi. On est sur Allah Azza wa Jal. An yunfa'ana wa yakum bima sami'ana. وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك